Donc nous sommes jeudi 10 et j'étais dans la rue principale de Pont-de-Royan, au pied de l'horloge de l'église du village, qui sonnait midi 5.